Una chambre es rectangular. A un fenêtre expose un soleil, tous les rouges, tous les portes en cristal. C'est tout d'abélite avec canapé, c'est un noir avec cunette redonde, circlese a une commode noire. Une armoire à cune denis de ports. Ce que me plaît plus de ma chambre, c'est de le tapis, guies d'une fermeture éclair dans une couleur lilas.